L'arrière-saison est idéale pour programmer une escapade à Athènes. Les terrasses sont encore largement garnies et les avions moins chargés qu'en plein été. Depuis l'épisode olympique en 2004, la ville a beaucoup changé. Si Athènes semble avoir relégué les sites archéologiques au second plan, c'est une fausse impression. D'ailleurs, il faut commencer son séjour par là. Pour ce faire, soit vous établissez vous-même votre itinéraire, soit vous empruntez un bus touristique qui, pour 44 euros par personne, vous conduira d'un site à un autre pendant une demi-journée, avec possibilité de monter et descendre du bus à volonté. Lors de l'arrêt à l'Acropole, pensez à visiter l'Anafiotika. Il s'agit d'un village des Cyclades, avec ses ruelles, ses escaliers étroits, ses maisons caractéristiques, tout cela situé au pied de l'Acropole. L'après-midi du premier jour, après l'immersion dans l'antiquité vécue le matin, prenez le temps de flâner dans le centre-ville. Boutiques, cafés, petites places charmantes, mais aussi galeries d'art et marchés foisonnent. Le soir, c'est dans le quartier de Psyrie qu'il faut se trouver pour passer de bons moments au milieu des Athéniens. Le deuxième jour vous donnera l'occasion de faire l'expérience du remarquable métro d'Athènes. Superbe, d'une propreté exemplaire, certaines de ces stations sont des œuvres d'art elles-mêmes, d'autres, de véritables musées. Une matinée consacrée au musée, justement, incontournable, le musée national archéologique, la pinacothèque nationale, le musée d'art cycladique, le musée byzantin et chrétien, ainsi que le musée Benaki, il faudra faire un choix. Trois informations pratiques pour finir. Depuis l'adoption de l'euro, comme chez nous, les prix ont considérablement augmenté. Le niveau de l'hôtellerie s'est considérablement élevé, avec aujourd'hui de très beaux établissements. Et enfin, côté météo, l'automne est très doux à Athènes.